Radio Bon Con. Radio Bon Con bouscule ses programmes pour l'anniversaire de Monsieur Douglas Wilson. Il n'y aura pas de point confinement aujourd'hui, mais je vous propose d'écouter quelques chroniques réalisées par des 12 personnes. Bonne écoute. Joyeux anniversaire, Doug. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom. Un jour un prénom. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Un jour un prénom. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Damien. Alors, les Damiens sont des personnes séduisantes qui font craquer de nombreuses jeunes femmes. Ils adorent profiter de la vie. Et ils ont un goût de la liberté. Ce sont des personnes calmes aussi et réservées. Et ils n'accordent leur confiance qu'à des personnes qu'ils connaissent bien et qui ne risquent pas de les trahir. Ils sont en effet très méfiants et évitent les gens qui ne leur inspirent pas confiance. Les Damiens sont des travailleurs acharnés. Lorsqu'ils commencent une mission, ils ne s'arrêtent que lorsqu'ils la terminent. Ils ne renoncent jamais, même face à d'énormes problèmes. Pour eux, tout est possible, il suffit d'y croire. Les Damiens détestent les conflits. Si par malheur ils se retrouvent mêlés à une dispute, ils s'efforcent de trouver un terrain d'entente. Ils restent toujours sages, même face à des situations critiques. Les Damiens sont de nature plutôt réservée. C'est toutefois un ami loyal qui ne souhaite que le bonheur de ses proches. Il prend bien soin de ses amis et n'hésite pas à leur donner un coup de main en cas de problème. Voilà, c'était une nouvelle édition d'Un jour un prénom sur le prénom Damien. À bientôt pour de nouveaux prénoms. Un jour un prénom. Un jour un prénom. Un jour un prénom. Un prénom. Un prénom. Un jour. Un jour un prénom. Un jour, un héros. Un jour, un héros. L'émission qui vous raconte l'histoire des grands de ce monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un jour, un héros. Je suis Lazuz, et en compagnie du célèbre Brace Destroyer, nous allons vous narrer l'épopée du héros national, le phénoménal Doug. Bonjour mon Brace. Bonjour Lazuz, bonjour à toutes. Effectivement, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une édition spéciale d'Un jour, un héros, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre légende, de notre maître à tous, le bon Doug. Mais dis-moi mon Brace, quel accomplissement héroïque de Doug allons-nous aborder aujourd'hui ? Il est vrai qu'à bien des égards, le bon Doug possède des qualités exceptionnelles. Nos chers auditeurs et auditrices de ce soir en connaissent forcément certaines. Mélomane accompli, ingénieur réputé, animateur radio que tout le monde s'arrache. Il est aussi souvent comparé à la fusion nucléaire tellement son énergie est débordante. Mais enfin oui mon Braise, mais ça tout le monde le sait puisque sa biographie parue aux éditions Boncon s'est vendue par millions à travers le monde. N'avez-vous pas quelque chose d'encore plus exceptionnel à nous raconter que la fois où il est monté sur un chariot élévateur ? Si, bien sûr ! Je vous propose de remonter le temps ensemble jusqu'au 11 octobre 2015, date à partir de laquelle Doug a inscrit son nom au panthéon du handball. On se retrouve en direct de Saint-Martin-d'Hères pour ce qui est un match de handball qui restera assurément dans les annales du sport. Et oui, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, voici un rappel de la situation. Ce match opposant l'école de l'ENS Cube à celle de GI constitue la finale d'un tournoi d'une grande qualité cette année. Oui, en effet, après avoir franchi le stade des qualifications non sans panache, les deux équipes ont eu fort à faire pour se hisser en finale et vaincre notamment les équipes de Felma et de Lensimal. À l'issue de la première période, le score est sans appel en faveur de GI. 15 à 3. Les Ecubiens ont joué de malchance puisque leur portier, l'international brésilien, s'est blessé dès le début du match en glissant sur une tannée peau de banane. Il a alors dû être remplacé, mais son binôme Vincent André a passé une sale demi-heure. Eh oui mon Braze, je crois qu'il a l'air d'être ivre sur le terrain, ce sont les risques dans ce tournoi. En plus, face à la star de G, l'allemand Gunther, sa coupe mulet ne lui a été d'aucune utilité. Le futur arrière droit de la Mannschaft ne fait aucun cadeau à ses adversaires, que ce soit en attaque ou en défense. On voit mal comment le cube va s'en sortir. Alors que les joueurs rentrent sur le terrain, je crois que le coach de le cube a procédé à un changement de gardien. Je ne connais pas ce joueur. Mais que fait le coach à faire confiance à un inconnu ? Et non, il s'agit de Doug, mais l'homme accompli, ingénieur réputé, animateur radio que tout le monde s'arrache. Il est aussi souvent comparé à la fusion nucléaire, tellement son énergie est débordante. Nous assistons là à un tournant de ce match. Ah mais bien sûr, le capitaine de l'équipe de Dodgeball, le leader de la Coupe du Monde de Tommy's, le roi du Bazoom, l'homme qui court plus vite, Cushen Bolt, le magicien du Bertrand Crew, le grand, Douglas, Fat, RGX, Wilson. Tout peut arriver maintenant qu'il est sur le terrain. Et voilà l'arbitre qui siffle la reprise. Merci à lui d'avoir attendu qu'on finisse de présenter le contexte d'ailleurs. La balle est à GI, et voilà que Gunther continue son numéro de soliste. Il encule, il en ruine Nathan Leroux, saute à 6 mètres. Et quel arrêt incroyable! Je n'en crois pas mes yeux! Avec son pied, il est allé chercher le ballon en pleine lucarne. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a les mains dans le dos. Quel style, quelle prestance! Et ce regard qu'il lance à Gunther, il le toise de toute sa hauteur. L'Allemand semble apeuré comme privé de volonté face à autant de charisme. Mais oui, regardez, il sort du terrain avec une tache au niveau de l'entrejambe. Je crois qu'il a fait pipi culotte. Rien n'est joué dans cette partie. Et oui, surtout que cette action a redonné de l'envie à ses coéquipiers. Et voilà, un nouveau but pour le cube. J'ai à la balle. Et le nouvel arrêt de Doug, en grand écart cette fois. La contre-attaque et le but! Encore un arrêt, avec le postérieur cette fois. Joli postérieur d'ailleurs. Regardez mon Braze, il a toujours les bras dans le dos, comme s'il s'imposait de tout arrêter avec les mains. Oh là là, quelle audace! Mais en même temps, si quelqu'un peut réussir cet exploit, c'est bien lui! Et un nouvel arrêt! Alors qu'il était en train de signer des autographes aux 200 personnes faisant la queue, il a réussi une nouvelle fois une parade exceptionnelle avec la tête. Et oui, surtout que pour les signer, il utilisait là aussi ses pieds. Et voilà que nous entamons la dernière minute de cette partie. C'est le money time du money time. Les deux équipes sont au coude à coude, mais le cube est mené d'un but, 14 à 15. Écoutez la foule qui scande le nom du héros du jour. Intervention d'un GI, il part en contre-attaque face à Doug pour inscrire le but du KO. Incroyable arrêt au coup du scorpion! La balle traverse le terrain! Et les buts! C'est l'action du siècle! La grande muraille de Chine fait bien pas le figure en face de Doug tellement il est stratosphérique! Le match n'est pas fini, GI engagé le demi-centre, rate sa passe qui finit en touche. Le ballon de la gagne revient donc à le cube à 10 secondes du terme. Ça combine bien et... Penalty! Alors que le temps réglementaire s'achève. Balle du match pour le cube. Quelle tension. Mais qui va bien pouvoir prendre son courage à deux mains et s'avancer face au portier de GI? Le voilà qui s'avance. Lui, le seul, le héros du jour, Doug le magnifique. Il se saisit du ballon et demande quelque chose à son coéquipier. Oui, il est en train de lui montrer ses cheveux. Ils ont l'air remarquablement soyeux. A-t-il fait une cure de sébum récemment? Il emprunte le bandeau de son coéquipier et le met devant ses yeux. C'est tout bonnement fou ce qui se passe sous nos yeux. Le sifflet de l'arbitre retentit. Il feint. Et c'est en fou! Mais quel but! Avez-vous compris ce qui s'est passé, cher ami? Et non, ce qui vient de se passer est indescriptible. Le temps s'est comme arrêté devant tant de grâce et de splendeur. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Suite à ce match, à la dramaturgie incroyable que personne n'aurait pu inventer, la carrière handballistique de Doug se poursuivit pendant un an et demi. Période pendant laquelle il remporta le tournoi d'handball sur gazon de Chambéry, où il discuta d'égal à égal avec l'illustre Bertrand Gilles. Il fut élu meilleur joueur du tournoi, et c'est sans surprise qu'en février 2017, lors de sa retraite dans le hand, on lui décerna le titre de meilleur joueur de tous les temps. Nombreux furent les fans déçus suite à son départ. Mais en même temps, comment ne pas comprendre ce choix? Doug, dans sa grande humilité et désireux de ne pas monopoliser les victoires pour laisser un peu de bonheur aux autres, s'orienta vers l'Ultimate, discipline qu'il domine également. Un personnage de légende. Un leader né. L'incarnation de la bonté. Et de l'humilité. Générateur de bonne humeur. Et un incroyable ami. On a tous un nouveau pote Dougie. Et joyeux anniversaire, Damien. Joyeux anniversaire, Damien. La chronique santé de Tata Lolo. Bonjour à tous et bienvenue dans la bonne chronique santé de Tata Lolo. Alors aujourd'hui, pour vous, très cher public, auditeur, une très belle recette. Vous connaissez sûrement les macarons d'Amiens. Et bien voilà, c'est une recette bien chiante à faire, donc je vous propose plutôt un ardéchois. Ça sent le soleil, ça sent l'Ardèche, ça sent les petits cailloux, l'eau qui frémit, les petits poissons. Et ben voilà, mais par contre, la recette est à base de marrons et de châtaignes. Donc pas du tout de saison, mais on s'en fout parce qu'il n'y a plus de saison. Alors, à vos stylos, pour faire un bon ardéchois, un bon gâteau, quoi, un dessert, ça peut être aussi un gâteau d'anniversaire, hein, parce qu'il paraît qu'il y en a qui fêtent leur anniversaire en ce moment, mais... pas trop au courant. Alors, pour cela, il vous faut 250 g de crème de marron, 150 g de farine de châtaigne, 3 œufs, 75 g de sucre, 100 g de beurre. Ouais, tout ça, c'est un petit peu gras quand même. Hein, voilà. On n'oublie pas un sachet de levure chimique et bien évidemment, 3 cuillères à soupe de rhum. Ah, voilà, il faut trouver quand même un avantage à tout ça. Donc, préparation 15 minutes, cuisson 40 minutes pour 4 personnes et c'est sans gluten. Première étape, dans un saladier, mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Ajouter la farine et la levure. Mélanger bien, puis incorporer la crème de marron, le beurre fondu et le rhum. Attention, hein, pour certaines recettes, n'oubliez pas de ne pas mélanger. Quand vous dites une recette, le mot rhum avec le mot ponche. S'il y en a qui ont été très attentifs sur les anciennes chroniques, voilà, je balance juste ça comme ça. Étape numéro 2 pour l'ardéchois, pâter les blancs d'œufs en neige et incorporer-les au mélange précédent. Voilà, donc là, il faut suivre un petit peu hein, quand même, hein, sinon on risque d'être perdu en deux étapes. Verser la pâte dans un moule à gâteau et enfourner pour 40 minutes à 180 degrés. La pointe d'un couteau et non de sel doit ressortir sèche, donc il faut bien la planter dans le gâteau et pas ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Moi, je vous retrouve sur la radio des Broncons pour une prochaine bonne chronique santé. Allez, ciao, ciao! C'est la chronique santé de Tata Lolo. Radio Boncon. Salut mon bon Doug, c'est Souk. Alors, j'ai une grande nouvelle. Je suis pas toute seule, mais je vais t'expliquer. En fait, Bradley Cooper et Lady Gaga ont découvert ShallowOops.mp3 et ils ont adoré. D'ailleurs, ils sont là avec moi. Happy birthday. Et du coup, en fait, ils ont voulu faire un featuring avec moi. Donc au début, j'étais pas trop opée parce que bon, ShallowOops, c'était quand même une blague à la base, mais faut croire que ça leur a plu. Et ils ont réussi à me convaincre, hein, Bradley. Oh yeah, it was hard. Et voilà, donc. On va t'offrir ça pour ton anniversaire. C'est ShallowTripleOops.mp3. C'est Lady Gaga qui a trouvé ce nom. Alors voilà, j'espère que ça va te plaire. Et, yeah. et, euh, Et ils m'ont laissé faire le mixage, j'ai beaucoup de chance. Voilà, une exclue Radio Bon Con pour ton anniversaire, Doug. Joyeux anniversaire. Tell me something, girl. Yes. Are you happy in this modern world? Maybe. Or do you need more? Yes. Is there something else you're searching for? Maybe. I'll fall in. Okay. Okay. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Dis-moi quelque chose, mon grand. N'es-tu pas fatigué d'essayer de combler ce vide? Où as-tu besoin de plus? N'est-ce pas dur de rester soi-même? Je m'effondre. Dans tous les bons moments, je me retrouve à avoir envie de changement. Et dans les mauvais moments, je me fais peur. Far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. En ces temps difficiles, le bon con a besoin de s'exprimer. C'est pourquoi Radio Bon Con présente La Bonne Chronique. La Bonne Chronique. Un espace d'expression pour le bon con qui le souhaite. La Bonne Chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la Cuisaison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la Bonne Chronique. C'est salut, Orion. C'est toujours la déglingue. La Bonne Chronique. Dis Siri, il est quelle heure? Il est 14h45. Il y a quoi de prévu aujourd'hui? C'est l'anniversaire du bon Doug. Oh merde! Bref, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon pote. Il s'appelle Damien, ou Doug, ou Douglas Wilson. Il est marrant, mais il est un peu bizarre. Ouais, en fait, il est super bizarre, mais il est super marrant. Je me rends compte que j'ai rien préparé pour lui. J'allume mon ordi, mais il n'y a plus de batterie. Je cherche mon chargeur, mais je le trouve pas. C'est la zone dans ma chambre. Je me dis qu'il va vraiment falloir que je range ma chambre. Ouais, mais là, j'ai de la flemme. Bref, je cherche des idées, j'ai pas d'inspiration. Du coup, je vais prendre l'air. Il fait beau, grand ciel bleu, les oiseaux chantent. Putain, pourquoi j'ai cette chanson dans la tête ? Le ciel est bleu. Non, pas maintenant. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Stop. Bref, je me sers un café. Je fume une clope. Je me resserre un café. Je refume une clope. Puis une deuxième. L'inspiration ne vient toujours pas. Bref, je me dis que je pourrais raconter une anecdote. Je pourrais raconter son intégration aux Epsilon. Ouais, non, mauvaise idée. Je pourrais raconter la fois où on a voulu créer une secte en festival. Ouais, non, encore pire. Je pourrais raconter la fois où il s'est cassé le nez sur le pénis de Brandon. Ouais, non plus. Je me rends compte qu'il n'y a vraiment rien qui tourne à son avantage. Bref, je me dis que je pourrais faire un remake de Skyrim. Il fut un âge, dans des temps immémoriaux, une prophétie fut écrite. Elle racontait qu'un jour, il reviendrait. Les dragons, ces êtres pourfendeurs des hommes, destructeurs des mondes. Quand ce jour viendrait, le soleil ne se lèverait plus sur le monde des hommes. Mais un seul être pourrait les faire trembler, serait capable de les arrêter. Dans leur langue, ils le surnomment Douglas Rouge. Le beau Doug! Non, là, ça va trop loin. Bref, je sais pas quoi faire. Je vais juste lui souhaiter un bon anniversaire, lui dire que c'est mon pote et que je l'aime, et qu'on va continuer à faire plein de conneries ensemble. Bref, c'était l'anniversaire de mon pote. Hello. La bonne chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la queue de saison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la bonne conne. Salut, Orion. C'est toujours la déglingue. Bonne conne, c'est un bon con. La bonne chronique. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom. Bonjour et bienvenue pour un nouveau prénom. Aujourd'hui, le prénom dont nous allons parler, c'est le prénom Doug. Alors, Doug vient du gallois Doub et Glass, pour donc Douglas, hein, c'est un diminutif de Douglas, qui signifie Dieu et cadeau. Un peu casanier, Doug demeure dans l'ombre pour ne pas attirer trop l'attention. Doug aime s'amuser, sa gentillesse et sa disponibilité en font une personne très attachante. Lorsque Doug ne trouve pas de douceur et de tendresse, il se réfugie dans l'imaginaire. Pour satisfaire son désir de réussite, Doug doit faire confiance à sa bonne étoile. Doug est perspicace dans ce qu'il entreprend et il est difficile de le mettre en colère. Si le Doug en question est un bélier, c'est un Doug fonceur qui aime agir en pionnier, il aime relever des défis, prendre des initiatives, commander et diriger. Doug est un aventurier à l'esprit de conquérant. Doug a besoin de passion et d'enthousiasme pour se sentir vivre pleinement. Doug a aussi besoin de se dépenser physiquement, peut-être en faisant de l'ultimate. Doug, en tout cas, est très engagé dans l'instant présent. Voilà, c'était un jour un prénom, le prénom Doug. Bonne journée. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom. Salut à tous, vous êtes bien sur la radio des bons cons. Aujourd'hui c'est le 10 avril, c'est l'anniversaire de notre Doug, a.k.a. Damien National. Pour cette occasion, je vais avoir l'honneur de vous présenter sa famille. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont pleins d'humour et pleins de talent. Enfin, en tout cas, ils essayent. J'ai nommé les Jeannes. Mais sans plus tarder, on commence par le plus beau. On l'applaudit, c'est Samuel. Je te souhaite un bon anniversaire, un vraiment bon anniversaire. Va falloir te satisfaire de ce petit air. Dès que tout cela sera fini, on aura ça, c'est promis. Il y aura de la bière pour toi, mon frère. Je te souhaite un bon anniversaire, un vraiment bon anniversaire. Va falloir te satisfaire de ce petit air. Dès que tout cela sera fini, on a ça et c'est promis. Il y aura de la bière pour toi, mon frère. Bon anniversaire. Will you see if this really me have a patch? Yellow man made it. And you say after me don't made it, me set it. Dougou doug dougou dougou ding. Dougou doug dougou dougou ding. Pour continuer ce tour d'honneur de la famille Jeanne qui célèbre son petit bébé, je me dois d'accueillir Papa Doug, Monsieur Jeanne, Dominique, Domi, Papa. Il peut parfois faire peur, mais c'est lui le plus drôle. En cette période de confinement, il a choisi de souhaiter à son fiston un bon Wuhan anniversaire. Joyeux anniversaire, mon bébé. Ça vous dirait d'en apprendre plus sur Damien ? Non, merci, madame. Le saviez-vous ? Damien a peur du vide. Damien est très souvent constipé. Il est mauvais joueur. J'ai un permis pour ça. Il lui arrive souvent d'être grossier avec sa famille, mais c'est parce qu'il l'aime. Ta gueule! Mais surtout, Damien a la chance d'avoir la meilleure marraine au monde. Sa tata de cri-cri. Hello à toute l'équipe des bons cons. Tout d'abord, prenez tous soin de vous. Message spécial pour Damien, mon filleul que j'aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, tu as 26 ans. Et confinement oblige. C'est par le biais de la radio que je viens te souhaiter un joyeux anniversaire et te chanter. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Thank you. sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas de peau, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas de peau, le ciel coule sur. Ça ne tient pas de peau, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas de peau, sous mes pieds le ciel revient. Nous et la manne on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout n'est qu'épié et glié. Craché dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoir, et une creepy song en étendard qui fait. Lisa, tu fais quoi là ? Chut ! J'enregistre une chronique familiale pour l'anniversaire de Damien. Non mais on mange ! Chut ! Arrête ! Il va encore dire qu'on se prend la tête là. T'as pas un truc à lui dire plutôt ? Damien, mon frère, viens vite à Grenoble, tu nous manques. Bon anniversaire ! À mon tour de te souhaiter un bon anniversaire. Comme on est sur la radio des bons cons et que ce qui caractérise ces bons cons, c'est l'amour et la bienveillance, je voudrais te dire que je t'aime et que plus tu grandis, plus j'aime découvrir qui tu es et qui tu deviens. J'espère que tu passeras un peu de temps avec nous dans le week-end pour qu'on arrose ça virtuellement. Bref, avec les Jeunes, on a chanté, on a ri, on a dansé, bah c'est peut-être le moment de pleurer, non ? Je te laisse, petit Damien, avec ta maman. Je ne sais toujours pas quel est son enfant préféré, mais là, c'est sûr, elle t'aime. Il était une fois, le 10 avril 1994, un petit garçon qui s'appelait Damien. C'était un enfant gai et enjoué. Contrairement à son frère et sa sœur, plutôt gros dormeur et calme, lui, étant bébé, dormait assez peu et vivait sa journée à toute allure. Gazouillant, sautant, virevoltant, il occupait bien ses parents. Pourtant, à la maternité, pendant le travail, son père et sa mère regardaient le grand bleu. Il est donc né dans une ambiance de totale zénitude. Heureusement que ses parents ne regardaient pas un film avec Louis de Funès. À 2 ans et demi, le voilà déjà qui entre à l'école. Car sa maman finit par céder à l'influence de son entourage qui lui disait que l'école lui permettrait de répondre à son grand besoin d'activité. Mais ce ne fut pas immédiat, car Damien, toujours à l'aise partout où il se trouvait, continuait à virevolter même en classe, sautant parfois sur les tables, ce qui donnait des cauchemars à son maître. En grandissant, Damien développa effectivement un goût prononcé pour le jeu et les apprentissages. Cependant, les jeux de société ne fissaient pas toujours bien, Damien voulant systématiquement gagner les parties de Uno, de Monopoly, d'Abalon. S'il ne gagnait pas, le jeu finissait par terre. Ou alors, il volait dans la pièce. Ou bien, son frère et sa sœur, lassés, le laissaient volontairement gagner. Il faut bien avouer que cet enfant était surtout motivé par la connaissance de la vie. Il mit sa mère bien dans l'embarras un dimanche de loto, lorsqu'à 4 ans, persuadé qu'il suffisait de bien connaître les chiffres pour gagner à tous les coups, il finit par rouler sous la table et exprimer sa colère par ses cris. Mais on n'était pas à la maison. Et les nouveaux parents d'élèves de sa maman semblaient perplexes devant une jeune enseignante pas trop démonstrative à maîtriser son propre enfant. Damien continua pendant quelque temps à affirmer son tempérament naturel de gagneur et eut à ce sujet fréquemment maille à partir avec sa sœur, qui, se lassant de ses caprices, décida au bout d'un moment que l'affrontement physique était le seul moyen d'avoir la paix. Et oui, cet enfant né sous le signe du bélier évoluait pourtant dans une ambiance familiale tranquille, calme et plutôt cool. C'est alors que se manifesta l'influence de son grand frère toujours posé. Il l'a sans doute admiré et envié lorsqu'il passait le week-end dans un stade, à le voir courir, sauter, gagner, au point d'occuper ses longues heures d'attente à courir sans cesse, lui aussi, de long en large, dans les gradins, ce qui lui permettait à la fois de canaliser son énergie et de commencer à se forger un caractère d'athlète. Plus tard, voyant aussi sa sœur adhérer à ce sport qu'est l'athlétisme, sœur qu'il admirait et respectait beaucoup malgré les petites misères qu'il lui faisait subir, il voulut lui aussi suivre la voie. Dans les mêmes temps, il s'initia aussi au judo, ce qui était une très bonne idée pour aider cet enfant rieur, farceur à comprendre que l'effort et la discipline rendent la vie plus positive. Petit à petit, Damien dompta son énergie débordante. Son grand frère continuait à être son modèle. Ce fut assez cocasse pour moi de les surprendre un jour tous les deux en grande discussion logarithmique. Damien était en 5e, mais Samuel en prépa. Entre-temps, Damien avait décidé de se mettre au violon. Curieux choix pour cet enfant plutôt tapageur. Ce fut long et difficile, mais là aussi l'instrument délicat et complexe lui apporta tous les bénéfices du doute, de l'éternel recommencement. C'est aussi sans doute pour suivre l'exemple de sa sœur qu'il se mit à pratiquer le théâtre au collège, puis au lycée. Et voilà, nous arrivons au temps de l'adolescence de Damien. Celle-ci s'est passée sans accroc. Il a su garder son naturel spontané et dynamique, tout en développant des acquis ancrés dans l'histoire de sa famille. Tantôt intéressé par les sages conseils de Jo le jardinier bricoleur, le grand paillard vendéen, tantôt admirant les joutes verbales de Michel, son grand-père nazérien, qui maîtrisait toujours fort à propos les contrepétries, les chansons paillardes et aussi les excès de voix calculés. Ceci pourra peut-être répondre à la question de Kéman qui voulait savoir d'où Damien tenait ce goût prononcé pour les bons mots. Ceci dit, il a peut-être aussi hérité de sa tante et marraine Christelle, qui vit la danse depuis qu'elle est toute petite. Il leur arrive même à tous les deux de danser en duo lors de soirées de fêtes familiales. Il a peut-être hérité aussi de son théâtral d'oncle, d'abord danseur classique, puis chanteur d'opérette, mais aussi danseur de claquettes. Ce Damien Doux, qui est devenu par la suite et par chance pour lui votre ami et compagnon de joyeuses chevauchées, parfois délurées ou délirantes, est donc mon fils que j'aime très fort. Je voulais juste vous montrer, mais vous le saviez déjà, qu'il a un cœur sensible et généreux caché à l'intérieur d'une boule d'énergie permanente. Bon anniversaire, mon petit Damien. Dès le déconfinement, promis, je ferai tout mon possible pour te serrer dans mes bras. Et aussi, je t'apporterai des chocolats parce que j'ai mangé tous les tiens. Joyeux anniversaire, Doug. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu sais que c'est l'anniversaire de Doug? Non, c'est l'anniversaire de Doug? Ouais. C'est l'anniversaire de Doug. Doug. Ah, c'est cool, il a quel âge? 26. Ah, il est fait, hein. C'est l'anniversaire de Doug. C'est l'anniversaire de Doug. Faisons la fête. Vous souhaitez les joyeux anniversaires, Douglas, oui, l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Doug. Bon gros Doug, je te remercie d'avoir connu Erzu et de ne pas me l'avoir présenté. Il est vrai que sans toi, bah j'aurais quand même été avec. Tu veux t'asseoir sur un tabouret? Assieds-toi plutôt sur ma queue. Nani joyeux, bisous. Je te souhaite un joyeux anniversaire, mon ami, mon amour, ma petite princesse. Allez, tchat. Salut mon bon Doug, ou Damien, hein, comme on t'appelait avant. Joyeux anniversaire, ça fait, j'ai calculé, ça fait déjà un peu plus de 10 ans hein, qu'on se connaît. Donc c'est super. Je sais pas trop quoi te dire d'autre, donc voilà, gros bisous, et puis à la prochaine, hein, j'espère, hein, salut. Salut Doug, c'est Mémé. Bon anniversaire. Eh, Doug Doggy Dog, alors qu'est-ce qu'on attend? Heureux anniversaire mon Doug. Je t'aime très fort. Joyeux anniversaire, Doggy Style. Coucou mon petit Doug. Eh ben écoute, ça y est, tu m'as rejoint. Tu es passé dans le gang des vieux. J'espère que tu es heureux et que tu profites pleinement de cette journée qui te rapproche de plus en plus de mon état de personne flétrie et vieille. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite bien sûr un bel anniversaire avec tout plein de bonheur, de joie, de danse, de Jean-Louis David et de tout ce qui va avec. Et je te dis santé, bien fort en wifi en attendant de pouvoir chiner à tes côtés. Gros bisous. Et salut mon bon Doug, Zerzu. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. J'espère que nous pourrons fêter ça ensemble dignement. Bisous. Bonjour mon Doug, je voulais te souhaiter un très très très joyeux anniversaire. Je te porte très fort dans mon cœur. Tu n'es pas que le petit frère d'Elsa pour moi. Tu es avant tout mon ami et j'ai grand hâte de revoir ton scrotum au prochain carnaval de Dunkerque. Je t'embrasse. Bon anniversaire Doug. Anniversaire. Douglas, je t'aime très fort. Salut mon petit Damien, c'est Théo. C'est un vrai plaisir de te souhaiter ton anniversaire aujourd'hui. Un vrai plaisir de passer autant d'années à tes côtés. T'es vraiment la vie formidable. Toujours une bonne humeur, toujours drôle. Keep la pêche, Dougie Style, bisous. Cher Damien, roi du twerk, du Harlem Shake et du Body Léopard, un très bon anniversaire de la part de Typhon. Gros bisous. Une petite citation, Damien, pour tes 26 ans, d'un grand monsieur Jean-Claude Van Damme. Selon les statistiques, une personne sur cinq est déséquilibrée. S'il y a quatre personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon. Joyeux anniversaire. Putain, Doug, j'en peux plus, petit con. Ah, j'en peux plus de twerker, là. Ah, putain, je te déteste. Ah, c'est fini, ça. C'est fini, trop pour moi. Sale petit con, bon anniversaire. Bisous, mon Doug. Au meilleur des Damiens, au meilleur des Douglas, au plus Doug de tous les Doug, je te souhaite le très joyeux anniversaire. Des bisous. Enculé! Enculé, hein! Et bon anniversaire, Doug! Bonjour, mon coin-coin. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Alors avant tout, joyeux anniversaire. Merci d'être la merveilleuse personne que tu es. C'est un plaisir que de te compter parmi mes amis. Tu es pour moi un exemple de gentillesse, de générosité, de courage et d'intelligence. Finalement, ta personnalité est aussi riche que ta malle à déguisement. Beaucoup d'amour pour toi, sur toi, et encore joyeux anniversaire. Signé Maman Wa. Bonjour Snoop Dogg, joyeux anniversaire. Pour ton anniversaire, je vais t'offrir la solution radioactive qui m'a permis de devenir le Brace Destroyer. Gros bisous. Joyeux anniversaire, Damien Jean. Joyeux anniversaire, Damien Jean. Joyeux anniversaire, Damien Jean. Joyeux anniversaire. Bon. Bonjour Damien, c'est Titeuf. Je te souhaite un très bon joyeux anniversaire. Ouais, un très bon anniversaire aussi de Manu. Allez, bisous Damien. Joyeux anniversaire Doug, mon cher et tendre. Alors, je sais qu'on a longtemps parlé de divorce, toi et moi, mais depuis quelques temps, on s'est beaucoup rapprochés et je suis content de voir que notre histoire a repris de plus belle. Je t'aime d'amour. Salut Damien. J'ai ouï dire par un contrôleur dans le tram que ton anniversaire, c'était le 10 avril. Alors me voici sur Radio Boncon pour te souhaiter un bon joyeux aux petits anchois. Pour tes 26 ans, je te souhaite de très bonnes affaires à Emmaüs, de superbes représentations de scrotum, des aventures épiques en Doug Mobile, de multiples découvertes de pépites musicales, des nouveaux épisodes de Mystère à Saint-Jacques, parce que ça commence à faire un moment, et surtout des twerks à foison. Voilà, je te souhaite tout ça, mais la liste n'est pas exhaustive et je te souhaite tout plein de trucs encore. Je vais maintenant laisser le mot de la fin à Messire Perceval. C'est pas l'extrait du Cercle de Feu, j'ai préféré en choisir un de circonstance à la place, mais le cœur y est. Les bisous! C'est l'anniversaire dans tous les recoins, c'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire. Grâce à cette année, c'est la joie, c'est pratique, c'est au moins un principe à retenir pour faire la frite. C'est la, la. Cette année c'est bien, l'anniversaire tombe à pic. Toute l'équipe de Radio Boncon vous souhaite un joyeux anniversaire. Doug. Boncon vous demande de patienter. Radio Boncon vous demande de patienter. Douglas, vous pouvez à présent profiter de cette playlist spécialement conçue pour votre anniversaire. Joyeux anniversaire.